Chapitre 107. L'ordre de manger au bord du plat et l'interdiction de manger au milieu. On peut citer dans ce chapitre les paroles du prophète alayhi salatu wassalam « Et mange ce qui est devant toi » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 744. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La bénédiction descend au milieu du plat. Commencez donc par manger au bord du plat et non au milieu. » Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit Hadith Hassan Sahih. 745. Abdullah ibn Busr, radiyallahu anhu, rapporte. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, possédait un grand plat appelé Al-Gharra qui nécessitait 4 hommes pour être porté. Un jour, après que le prophète et les compagnons eurent accompli la salat de la matinée, Ad-Duha, le plat rempli de morceaux de pain trempés dans du bouillon fut apporté. Ils s'assirent autour, puis lorsque leur nombre augmenta, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se mit à genoux. Un bédouin lui dit « Quelle est cette manière de s'asseoir ?» Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit « Allah a fait de moi un adorateur généreux et non un tyran injuste. » Puis il ajouta « Mangez au bord du plat et non au milieu, afin que votre repas soit béni. » Abu Dawud, selon une bonne chaîne, Isnad